relation criminelle, je ne veux plus de ça. Sur mon visage, beaucoup trop de séquelles, je suis au bout du tunnel, je ne veux plus de toi. L'amour que j'avais pour toi s'est éteint, je ne veux plus de toi. Laisse-moi me réveiller de ce foutu cauchemar et revenir. Tu as tout fait pour revenir, n'essaie plus de me retenir. C'est mort, sors de ma vie. Tu me verras claquer la porte. Et si tu doutes, moi je suis sûre. T'aurais tout fait, tout donné pour ça, mais c'est fou. Comme t'as changé, je te vois glisser vers le mal. Et tout est mytho, va falloir qu'on stoppe ça. Fini de parler, on arrête là. Ensuite on la connaît, tu seras noyé dans tes regrets. Si je te dis que c'est mort,